Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ce soir, c'est Planet Rap Niro sur Skyrock. Et toute la semaine, Niro est notre invité avec le projet qui sortira le 6 novembre. Si je me souviens, comment ça va, Niro, aujourd'hui? Ça va très bien, la famille, et toi, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme aussi. Prêt pour cette nouvelle soirée? Prêt pour cette nouvelle soirée. Je suis en train de me préparer à une petite fusée nucléaire pour, pour être avec vous. Et on est là. Très naturel, hein, c'est ouais, très Niro, naturel, c'est un mec bio. Comme d'habitude, c'est la famille. Regarde, ça appelle déjà carrément. Bon, on va répondre après, tranquille. Ouais, on va répondre tranquille. Vous, les frères du Terre-Terre. C'est 06 71 74 84 15. C'est la ligne directe pour Jean Niro pendant le Planet Rap. C'est le portable qu'on lui file. Voilà. 06 71 74 84 15. Un effort sur le téléphone quand même. J'étais sûr que t'allais dire quelque chose. Ah oui, attends, tu sais qu'on a l'esprit critique là. Mais l'iPhone 4. Imaginons. Vous auriez pu prendre le 6. Imaginons que je te laisse le 7 ou le 8, le dernier iPhone. Ouais. Est-ce que tu crois que je le récupère en fin de semaine? Voilà. Et voilà. On y arrive. Et on y arrive. Les histoires d'arabes qui volent, bon, etc. Voilà. Ce n'est pas que pour toi, Niro, rassure-toi. Ouais, mais quand même, hein, les mecs, hein, je sais pas, les clichés là, ça fait chier. Regarde, j'aurais très bien pu m'adresser vers Moscou et lui dire ça aussi, pareil. Ça va, on te pardonne parce que ce soir, t'es pas venu les mains vides. Donc, ça va, c'est, je suis pardonné. Y a pas de galère. Bon. Mais les arabes, non, ne sont pas tous des voleurs. Tu l'aurais récupéré, l'iPhone 6. Pas dans le même état, mais tu l'aurais récupéré. Non, mais je trouve qu'il est très bien celui-ci. Tout ouais, il est très bien. Tout va très bien. Ah, en fait, vous n'avez pas pris trop de risques. Voilà, on prend. Les risques sont limités. 06 71 74 94 15, l'album qui sort donc le 6 novembre. Inch'Allah, bah, tout d'abord, salam à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Salam à. Grand bonjour à tous ceux qui savent pas ce que ça veut dire salam. Donc salam, ça veut dire paix. Salam à tout le monde. Voilà, à tous ceux qui envoient des messages. Et à tous ceux qui ont précommandé l'album. Ah oui, parce qu'on peut précommander l'album. Ouais, depuis un petit moment là. On peut y aller tout de suite, donc n'hésitez pas à précommander cet album qu'on va continuer à découvrir. Il y aura des morceaux. On va débuter aussi avec le morceau qui s'appelle Le ciel est ma limite. Ouais, exactement. Produit par Kujo. Produit par Kujo. Izo à la guitare, Nicolas Noël au clip. Le meilleur de sa génération. Voilà. Ben on y va, on attaque. Je sais qui nous écoute avec son gros crâne. Force à toi. Ouais, vas-y, on attaque. C'est parti. Avec ses chaussures rouges. Si je me souviens, le 6 novembre. Des fois je me pose des questions bêtes. Est-ce que le ciel est ma limite? Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. Opéré puis déféré. Toujours les mêmes histoires. Fierté et conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret. Combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré et du mal à me tempérer. Mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit peu. C'est nous les enfants des rêves. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur le péré. Surveille les intempéries, cousine c'est pas la mairie. Je vais m'acheter les ça suffit, je me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la servie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai t'as fait de moi dans ma vie, j'ai jamais touché les rémis. Des fois je me pose des questions, mais est-ce que le ciel est ma limite? Quelle est la différence entre ça et mon arraché et l'anonymie? J'ai besoin d'analyse, j'ai besoin d'analyse. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'analyse. Pour toi j'ai besoin d'analyse. Le 6 novembre, si je me souviens dans les bacs, mon ami. Si de ma voix, il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel en fin d'année? J'écris jusqu'à l'aube. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. L'impression que je passe à la saison 2. Accompagné, même si je parie seul, je suis de ceux qui se taisent pour faire parler d'eux. Que des enfants de la dalle pareil. S'il y a pas de lobby, je vais apparaître. Se verre, ouais, mon ami. Cavaler après les miettes. Pour toi, ça m'a pris la tête. Les anciens ont pris les pépettes. On arrive après la fête. J'ai appris en grandissant alors. Je suis devenu intransigeant, le rap, c'est bien tigeant, mais salope. J'arrêterai pas dans 10 ans, ben ouais, mon ami. Le jour se lève, je suis encore plus beau avec la veille. Le soir à fond dans la gomba, je me brûle les doigts avec le cul de la veille. Je me brûle les doigts avec mes lova au collège, joli, c'est mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt, toujours prêt à faire des putains de trucs. J'ai besoin d'analyse, j'ai besoin d'analyse. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Ma voix, il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Le ciel est ma limite. J'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Ma voix, il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel Eh, Salama et Lab, Scoojo, Iso, le 6 novembre si je me souviens, Nicolas Noël, est-ce que le ciel est ma limite ? Alexis. Niro, le ciel est ma limite, c'est un extrait, vous l'entendez donc avec, avec de la guitare, hein, dessus, on peut le dire. Magnifiquement que... joué, d'ailleurs Salama Iso du secteur A, qui est un ancien guitariste, ouais. On en a parlé un peu hier. Force à lui, donc voilà, ce magnifique titre. Et qui est donc présent, est-ce que justement c'est aussi une évolution pour Niro, peut-être par la suite, faire aussi des albums avec plus de musiciens? C'est déjà une première étape. Ça a toujours été le cas, moi j'ai jamais fait le mytho, j'ai toujours composé mes... J'ai toujours amené des beatmakers, des compositeurs, j'ai composé avec eux la plupart de mes titres. Après, hormis pour les gros Niro, je veux bien que tu mettes le casque parce que, ou alors tu l'enlèves entièrement. Non, y a pas de problème. Je suis désolé, mais sinon on va entendre un. Pas de problème, je sais que tu as un très beau chapeau. Ouais, tranquille, c'est pour garder la ligne. Goutte 4 est dans la maison. Donc, ouais, revenons sur les musiciens justement. Et sur... Donc, ouais, j'ai toujours fait à peu près ce que je voulais au niveau des productions. J'ai souvent changé des instrus, etc., pour qu'elles aillent mieux avec mes titres, etc. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, tu vois. J'ai toujours ramené des choristes, j'ai toujours essayé de ramener quelque chose. En dehors du fait que de faire juste du rap, pour rapper sur une instru, pour rapper dessus, ça m'intéresse pas. Mmh. Donc, c'est toujours aller plus loin en fait. Ouais. Ouais, bien sûr, on a les moyens de faire autre chose, pourquoi on va se priver, tu vois. J'aime bien un peu la mentale de Tupac comme il faisait avant, tu vois. Il faisait rejouer un peu ses instrus, tout ça. Je trouve qu'il était grave en avance sur son temps et je vois qu'il y en a plein qui le font, tu vois. Mais au niveau du rap qui arrive, il y en a plein qui le font. Mais en France, c'est pas trop ça, mais faut que ça y vienne petit à petit. Et est-ce moi, que... je prends des musiciens à fond. Comme tu parles de Tupac, est-ce que comme lui, t'enregistres beaucoup, beaucoup de titres? Parce que lui, il en avait franchement, des centaines. Franchement, ça va dépendre des mois de l'année, t'as vu. Mais quand je suis pas dans ma vie... Dans mes trucs, dans ma vie privée, je peux être super productif, de faire un album en un mois s'il faut. Donc par exemple celui-ci, si je me souviens, il y a eu beaucoup beaucoup de morceaux enregistrés ou ouais, ça a été quand même assez. Bah, c'est quoi la plupart des morceaux, ils ont. En fait, j'ai grave mis du temps à écrire. Tu vois, j'ai jonglé entre ma vie de famille, etc. Comme je te disais, je suis nouveau papa, j'apprends. Donc j'ai jonglé un peu dès que j'avais moyen d'écrire un peu pendant la nuit ou quoi, vu que le petit il dormait pas de la nuit, donc j'essayais de me charger un peu de ça et en même temps je bossais, tu vois. Entre deux trois biberons. Ouais, entre non, c'est pas les biberons nous. Ah c'est au naturel. Et donc tu connais les coliques, les trucs. Donc au final je bossais la nuit, j'ai écrit la plupart des morceaux et après j'ai tout posé. Peut-être j'ai posé les. Vas-y, peut-être 70% de l'album en 3 semaines. Comme ça, après, j'ai pris le temps de les écouter, de voir ce qui allait, ce qui allait pas, et de revenir dessus. Et au final, voilà, ça donne, si je me souviens. Toi, tu peux écrire sans les instrus, t'as pas besoin forcément des prods pour écrire. J'ai déjà écrit sans instru. J'ai déjà écrit sans instru. Même en prison, j'écrivais sans instru. Pas forcément accès, voilà. Ouais, t'as pas besoin forcément d'être en studio, d'avoir le son qui tourne pour. Bah, c'est mieux, ça dépend en fait pour quel titre, tu vois. Pour les titres plus intimistes où tu parles un peu de toi et de ta vie, de ton parcours, etc., c'est bien que tu sois seul pour écrire, mais après pour les titres un peu banger, c'est bien que t'aies aussi des gens autour de toi parce qu'ils t'emmènent dans un délire, tu vois. T'es ambiancé, les gens ils sont ambiancés, ils t'apportent un délire en plus et voilà. Quel rapport justement avec l'équipe de Street Lourd, que ce soit Teddy Corona, Mosco, Mista Flo, qui est là aussi ce soir et qu'on salue d'ailleurs, on n'a pas salué personne. Quel rôle ils ont justement avec toi sur la construction d'un album? Bah par exemple, moi en fait je suis très casse-couille en vrai, je vais pas te mentir. Hein. Je suis très très casse-couille, je suis très. Mosco, Teddy Corona, Mista, vous confirmez ou... Ouais ouais, mais parce qu'en fait, non mais la vérité c'est que la vérité c'est quand. petit. Je vous présente mon manager. Manager, c'était avant. Met-nager. Non, parce que bah, par exemple, Teddy, par exemple, lui, il va m'appeler, il va me faire écouter de la soul. Plus, il va me diriger dans des trucs plus musicaux, comme un titre sur Le Ciel et ma limite, par exemple. Mm-hmm. Mosco, lui, c'est plus dans la réalisation, etc. Il va être un peu derrière. Ouais, là, ça serait bien qu'on mette un refrain. Ça, il essaye de me faire. Après, il y a Soso aussi, on n'en parle pas souvent, mais Soso, il a été là pendant tout l'album. C'est un frérot qui, bon, lui, il n'est pas du tout dans la musique, mais c'est un frérot. Qui supporte. Et il y a Aurélie. Il m'a grave aiguillé. Et puis il y a Aurélie surtout qui n'a pas dormi des nuits et des nuits, qui nous a enregistré. Frizzotti, elle est là, donc force à elle. Et Mikey. Mikey, force à tous ceux qui ont participé. petit peu. L'équipe, quoi, Johnny, Joser, Johnny, Joser. C'est intéressant d'avoir justement à l'enregistrement le côté féminin. Est-ce que ça joue ou pas sur les morceaux? Elle n'est pas du tout ingénieure. Elle, à la base, elle est dans l'image. Oui, mais est-ce que sur le côté féminin, justement, est-ce que tu peux le ressentir ou non, en fait? C'est pas un truc en plus. En fait, le fait que ce soit une fille, ça change rien, en vrai. Voilà. Mais c'est plus, moi j'ai une bonne entente avec elle. C'est-à-dire que elle est pas casse-couille, tu vois. Un ingénieur, il va vite te casser les couilles, tu sais, parce que nous, d'une heure à une autre, on peut ne pas travailler des fois pendant des deux heures, rester sur une rime, machin. Et je trouve que les filles, elles sont plus patientes que les mecs. Donc elle a été beaucoup plus patiente, voilà. Excusez-nous, il y a une soirée de l'ambassadeur qui se prépare. Savez-vous ce soir? Savez-vous, messieurs? Les soirées de l'ambassadeur. Les mecs, ils me posent des questions, ils sont intéressés par des Ferrero Rocher. Oui, des Ferrero qui sont arrivés. On voit les mecs qu'on voit dans le hood. Hein. Donc début de la soirée des ambassadeurs ce soir avec Niro. Les ambassadeurs sont là. Donc d'avoir Aurélie qui t'enregistre. Bah, c'est la patience, Aurélie, c'est la patience. Elle bosse avec nous sur tout. L'image, elle est là autour de nous, c'est une brave vaillante, c'est une vraie vaillante, donc faut lui remettre ce qu'elle mérite. Aurélie, on t'aime. Eh ben bravo Aurélie. Oh, on l'aime bien Aurélie, voilà, c'est la fin. Si je me souviens. Le 6 novembre dans les bacs, dans un instant, tiens, on prendra un coup de fil, ça n'arrête pas de sonner, mais peut-être mettre un autre morceau. On avait promis premier ballon. Ouais, premier ballon maintenant de Zesso, d'ailleurs, une spéciale pour Zesso. Zesso Vitrio, 9-4, voilà, il sort son album le 6 novembre, pareil que moi, et on a décidé de vous envoyer un morceau de son album, ouais, voilà, et on devait le faire dans la semaine, ça sera ce soir, et puis voilà. Donc premier ballon avec Zesso. Zesso, l'album de Zesso le 6 novembre, et avec Niro, on l'écoute maintenant, réagissez aussi avec le hashtag Niro sur Skyrock. Zesso, Vitry 9-4. Mon premier ballon, le 6 novembre 2000 zo. Wesh à Zesso, ça bouge pas en ensemble, frérot. J'aurais voulu que le paternel m'offre mon premier ballon à la maternelle. Aujourd'hui son fils a le bras long. En France c'est sur la terre mère. Sans réaliste et rien, maintenant c'est tout pour le matériel. Que des remords et des regrets devant les portes l'éternel. Qui m'apprennent mes premiers passements de jambes, mes premières galères. À l'heure, avec ses valeurs, j'aurais pas appris celle de mes voleurs. À se rafaler pour l'oseille, l'honneur ou le déshonneur. Les yeux du malheur, même avec les dents du bonheur. Qu'il assiste à ma première chute, qu'il mette mon premier pansement. Qu'il assiste à mon premier but, soit fier de mes premiers rendements. Mon homme récolté en solo sur le goudron. J'espère avoir des marmots jeunes, leur offrir tout ce qu'ils voudront. Ils font ce qu'ils veulent, on n'est pas attaché à la vie. Inch'Allah, tout ce qu'on veut, c'est voir nos proches à l'abri. On galère pas d'office, l'ange de gauche parle à nos vices. Mais grâce à Dieu, j'offrirai le premier ballon à mon fils. Le premier ballon. Eh ouais, c'est ça. Mon premier ballon. Jihad Mohamed. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Personne n'a pris mes pattes appuie mon premier ballon. Je peux me faire tacler sur le terrain puis mon premier ballon. J'ai connu mes amis grâce à mon premier ballon. Merde, tu nous reçois frérot, GFG. Grâce à mon premier ballon. Eh gros, j'ai mûri dans les rues où ça furine. Je rappais à 17 piges que du flow de la tuerie. Et elle voulait m'offrir mon premier ballon. Je me suis fait sans père. Dis-leur, fais-moi la force du daron. Petit à petit j'ai fait mes galons. Envoyé en l'air mes galères. Pour mes frères d'armes me suis employé. J'avais même un salaire. Sais-tu ce que c'est que la vie là où l'on traîne? C'est voir tes frères à 15 piges prendre des longues peines. Watch à chacun mourir par un Darsa coup libéré, Darsa, Darsa et la famille crasse, à attendre que le goût passe. À faire du mal au coup cap. Je voulais te raconter tout ça. J'y voyais une importance. Ils veulent rien voir comme des froussards. Frère innocent on glisse. Moi et mes sans complices. Je devais construire ma vie, je le faisais sans notice. Le 6 novembre. J'ai forcé les choses, cherché le but à l'indice. Zesso. Grâce à Dieu, j'offrais le premier ballon à mon fils. Maniero. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Personne n'a pris mes pattes, puis mon premier ballon. Je peux me faire faire ta clé sur le terrain pour mon premier ballon. J'ai connu mes amis grâce à mon premier ballon. J'ai fait la zère mais grâce à mon premier ballon. Personne n'a pris mes patins depuis mon premier ballon. Et à tous les patrons de France qui assument, qui portent leurs couilles, force à vous la famille. J'ai connu mes amis grâce à mon premier ballon. J'ai fait la zère mais grâce à mon premier ballon. Et paix à toutes les mamans qui assument le rôle de père. Force à vous les filles, force à tous les frères enfermés. Ont des enfants, force à vous. N.I.R.O. Zesso, mon premier ballon, le 6 novembre dans les bacs, 2000 zo, Zesso est là. Djihad. Aide spéciale à mon fils Djihad Mohamed. Je pense à toi, une spéciale pour ma femme. Et à tous les darons qui portent leurs couilles. S.O.N.I.R.O. premier ballon. C'est ça un hein, premier ballon hein. C'est ça hein, c'est l'histoire hein. C'est l'histoire, des vrais hommes. Voilà. Le premier ballon à l'instant, c'est extrait de l'album de Zesso qui sort en même temps. C'est l'album de Zesso qui sort en même temps que moi le 6 novembre. Voilà, donc force à lui, aller chercher, c'est du lourd. C'est un morceau très important pour moi. D'ailleurs, force, comme je disais, force à tous les pères de famille qui assument leurs enfants. Force à tous ceux qui sont enfermés, qui ont des enfants aussi. Voilà, qui ont été enfermés pour justement assumer ses enfants. Donc force à vous, on est là, on vous voit. Voilà, Niro qui est donc désormais jeune papa, on l'a dit hier, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont tu parles assez aisément, assez facilement en fait. Dans... Bah ça, comme je t'ai dit, j'apprends, comme je dis souvent, j'apprends à être papa, voilà, c'est quelque chose qui te change une vie et c'est en train de changer la mienne, tu vois. Mmh. Donc ouais, j'en parle aisément, pas tout à fait, mais je suis fier, c'est sûrement l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie, tu vois. Donc bien sûr, je peux que être fier, voilà. Bah, l'histoire continue donc pour Niro. Inch'Allah. Voilà, encore plein, peut-être c'est le début d'une longue lignée. Hein, surtout. Ah ouais, ouais, que des garçons. Que de la bagarre. Ah, tu vois, une petite fille, c'est sympa aussi. Ouais, une petite dernière à la fin, pour papa. Juste pour papa. Protégé par tous les garçons. Ouais, voilà. Protégé. Ma femme, Skena, elle en peut plus déjà. Elle me dit, c'est bon, on va s'arrêter un peu déjà. Parce que là, deux garçons là, d'affilée. Avec des garçons à la maison, bon voilà. Est-ce que justement, tiens, quand tu vois ton bout de chou, ça t'inquiète aussi en repensant à toi? Quand tu te souviens justement de ce qu'était le petit Niro et ce qu'il est devenu. Bah, après, en fait, c'est peut-être pas aussi les mêmes choses, parce que toi, c'est vrai que tu disais, il y a eu un peu aussi le manque du père, machin, etc. Donc c'est pas les mêmes histoires. Bah, le fait de pas reproduire, surtout, tu vois, le fait d'essayer de pas reproduire les erreurs qu'ont pu reproduire nos paternels, voilà, après, on n'en veut à personne, t'as vu, voilà. Mais en tout cas, pour ma part, j'offrirai le premier ballon à mon fils. C'est déjà fait, d'ailleurs, tu vois. Et on va pas lui offrir que ça, Inch'Allah. Donc, voilà. Le ballon de Paris. Le ballon de Paris, le maillot. Aïe. Même si on s'en fout du foot. Non, mon fils, ça sera un boxeur. Je vous affranchis d'avance. Laisse-le faire tranquille. Laisse-le grandir. Il est déjà prêt. Tiens, Niro, si on prenait un petit coup de fil, 06 71 74 84 15. Ok, vas-y, très bien. Allez petit coup de fil. Ah, toi, on vient de te louper, 06 50. C'est dommage pour toi, mon. 06 71 74 84 15. C'est la ligne directe pour joindre Niro pendant le Planète Rap. Allez-y. À toi, c'est parti. Bon, c'est parti. On va l'écouter. Alors, allô. Allô. Allô. Salut. Allô. Salut. Allô. Salam alaikum, tu m'entends? Non, tu m'entends. Wesh, mais vous achetez des iPhone 4 aussi, c'est normal. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, toi? Bien, frérot, tranquille. T'as une petite dédicace à faire, frérot? Ouais, dédicace à tout mon collège. Ok. Ouais, il est bien calme, hein. C'est quoi ton collège? Et la famille. C'est quoi ton collège? Le collège Charles Doche. D'accord. Ouais, t'as consommé un peu de la stup ou. Il est sous codéine le machin. Qu'est-ce qui se passe? T'as fumé un peu, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances, peut-être que c'est le rythme des vacances en fait qui fait ça que. Ça commence au collège, putain, les mecs. Bah force. Comment il s'appelle ton collège, tu m'as dit? Charles Doge. Comment? Charles Doge. Comment Charles II. Charles Doge. Doge, voilà. Oh, bah, c'est où? Doge. Il est où? Il est où ce collège? Charles Doge? À Berne, dans le Vaucluse. dans le Vaucluse. Bien, bah, il savait même plus où il habitait en fait. Ah mais là il fait, ça se voit que tu fumes du bon, de la bonne. Calme-toi, t'es jeune. Attention, ça attaque sévère, hein. Franchement, calme quoi. Bon bah bonne soirée mon pote. En même temps c'était un bon spot anti-drogue qu'on avait là à l'instant en direct. Ça c'est un vrai spot anti-drogue. Regardez comment on offre pour la jeunesse, merde. Ne consommez jamais, la preuve, on vient de l'avoir à l'instant sur Skyrock. Je cache, hein. On sait jamais, t'as vu. Ne bougez pas, dans un instant on va revenir sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau ce soir? Il y a du live aussi, tu nous fais un petit live, ouais, ce soir. Ouais, il y a un petit live préparé ce soir pour vous. Et un petit inédit aussi. Inédit. Ah, enfin. Un morceau inédit. Enfin. Un morceau inédit et un live inédit. Voilà pour vous. Parce que je me disais quand même, il y avait quoi? Il y a quoi? Il y a 16 titres sur le projet. 16 titres. Ouais, il y a 16 titres. Peut-être en lâcher un ou deux dans. Ah, ben bien sûr, quand même. On va lâcher ça. Qu'est-ce qui se passe, la lumière? Pourquoi c'est toujours qu'avec nous que ça part en C'est les coupures de courant. Ne bougez pas dans un instant, on va donc revenir sur Skyrock. On mettra Bah ouais, mon ami aussi. Bah ouais, mon ami. Force à Bello, Kennedy, Merabo, Kochi, Saint-Georges, tous les mecs, on vous voit, vous inquiétez pas. Bello, Kennedy, Dédé, Long Beach, Pierre Dumas, voilà. Pierre, c'est où? C'est chez toi, c'est Blois, ça? Ouais, c'est Bello, à la vie, à la mort. Mm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et après, on envoie quoi? Excuse-moi. Non, je disais Bah ouais, mon ami. Ok, très bien, Bah ouais, mon ami. C'est un des morceaux extraits. Hop, ça la prod. Le projet, et puis on fera tourner aussi la roulette tout à l'heure, 41-759. Inscription 41-759, bah on le balance maintenant. Bah ouais, mon ami. Allez, on envoie. Bah ouais, mon ami, le 6 novembre. Si je me souviens. Laisse-les s'enflammer jusqu'à ce qu'on les arrose. Faut pas se faire aux balances et aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais eu de parole. Ils aimeront quand t'es mort comme DJ Mehdi. J'ai mérité mes titres, plein mérité. J'ai dit c'est pas de la comédie. J'ai médité mes quittés pour juger, critiquer mes idées, mes dits. J'ai débridé mes vies, c'est lucide mes vies. J'aurais mieux fait d'éviter des feats et de beat et de hits. Mais j'ai kické, j'ai vite compris que j'étais pas comme eux. Quand je les ai vus sucer des beats et des beats, là j'ai tilté. Des sons pipés, les jeux sont truqués. Moralité. Miraculé, je suis trop reculé. 6 novembre. Reculé par Laurent Ruquier. Bah ouais, mon ami. Rappeur de quoi halluciner. La plupart de tes rappeurs t'ont malatiné. Tu t'es fait lever à l'aube, début de la matinée. T'arrives en cellule, d'arrivo à l'heure de dîner. C'est baisé, je suis léger mais je veux peser. Proposez-moi des lovés. Hey, spécial à petit chacun. Creusé, à foncer, entre Longo. Moi et la relève. Mauvais élève, Marseille. Pas tous les défauts. La Castellane, fond vert. Que dans les boîtes de terrain. Bah ouais, Landau. Connais le générique et la fin du film. Fils d'ouvrier, tu veux briller. Tu finis affalé comme Jack May. Sauf que toi demain on va t'oublier. Soit tu baisses pour m'apaiser sa mère. Le rap game je vais baiser sa mère. Ah ouais, ouais mon ami. Tous ces ML veulent se pousser la merde. Ils veulent tous se la mettre. Poto, crois pas qu'ils nous c'est la même. Je maîtrise le truc, j'ai tous les paramètres. Faut pas qu'on trame. Partout vous allez vous foutez la merde. Ah ouais mon ami. Le 6 novembre, mon ami. Bah ouais, mon ami. Si je me souviens, mon ami. Wesh, un coro. Ah, bouge, ça bouge pas. Chinois. Chintawaz est là avec nous ce soir. Champigny, bois la paix, wesh, la blaguette. Rachid, on est là, ça bouge pas. Pour qu'on t'emporte, t'éclate des zéros. Ouais, ouais. Autrement dit, des millions d'euros. Là c'est de la fin ou de la gourmandise. Là c'est Nordine ou Nidero. Ben ouais, mon vous avez plus la dalle, nous on va tout prendre. Ici on a tout compris dans la souffrance. Tire les pénaltys, les corners et les coups francs. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. La jalousie les tue à tout ce qui meurt en souffrant. Street loup. La taille se taille avec les vrais qui restent. Ouais. Dans du bip, espèce de suspite. Si je te croise dans la tienne, je te roule dessus direct. Je suis dans les prises de tête. Orly. J'ai jamais mis mon nez dans la houppette. Choisis. J'ai retrouvé vos carrières de merde. Vitry. Coupé en vie dans un sac poubelle. Joie de vie. J'ai sorti vivant street. Ah ouais, ville juive. Augmente le prix. Wesh à ville juive, Champigny, bois la mer. Chantou le vie là, c'est 7-7 est là. Qui soutiennent que pas atterré, qui soit pour. Les boulots, Raya 17-7. Que c'est revenu à tes soirées, ils te ramènent que voilà des plans foireurs. Pour qu'est-ce que tu veux, les saouls. Eh Bello, on est là, ça bouge pas d'un trait. Orléans, wesh à pépé, bravo. Alfred de Musset. Pour les grandes victoires. Salope. Les grandes salopes pour les grandes histoires. Salope. J'pense à ceux qui sont pas en vie. Et puis aux vrais qui nous envient pas. J'ai eu beau chanter, follow me. Bah les couilles si tu nous suis pas. J'vais te balafrer la joue. J'attends dans lui ça petit bâtard. C'est à la nuit que je remets tout un jour mon compte en banque. Réclame des zéros. Et paix à tous les quartiers de France. Paix à tous les stars de France, libéré d'Arsoy. Ben ouais mon ami. Shintawazela. Mr. Flo, Teddy Corona, DJ Mosco, Josué, mon ami. Wesh Asoso, le blanc, le noir. Ouais, mon ami. Maze. Ouais, Amazinho, elle est là aussi, BPS, PA, Bibi, à tous les frères du Tertus. Minus. Bah ouais, mon ami, c'est ce qu'on écoutait, on pourrait même dire d'ailleurs, hashtag bah ouais, mon ami. Hashtag bah ouais, mon ami, on a tout pété quand il est sorti. Mais je sais, c'est une bonne idée de mettre le hashtag avant. Bah ouais, mon ami. Après, ça n'a pas du tout rigolé. Non, ouais, c'est un bon morceau, hop, ça la prod. Voilà. Très très fort. Et Niro avec nous entre 20h et 21h, l'équipe de Street Lourd aussi qui est là. Sur ce qui était un petit mot d'ailleurs sur Street Lourd, on en est où les gars? Bah écoute, on travaille. Street Lourd, le prochain volume, ça arrive quand? On travaille, on sait pas quand ça arrive, mais on est dessus. Donc là c'était quoi, priorité à Niro? Ouais voilà, mais on a quand même exactement envoyé le premier titre avec la Hyène. De Champigny, du Bois Labbé, voilà, force à lui. On a passé l'âge, on le passera dans la semaine. On a passé l'âge, ouais, on va vous le passer dans la semaine. Il y a le clip qui est disponible pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. On l'a sorti en été, donc voilà. Mais ça travaille, ça travaille. Ça bosse, ouais, 2016. Voilà. Plutôt 2016. Exactement. 2026. C'est une bonne date. C'est une bonne date. Bon, dans un instant, on revient avec Niro, c'est notre invité. C'est, si je me souviens, l'album qui sort le 6 novembre, à pas louper. Déjà en précommande, on peut le cliquer tout de suite et vous récupérez l'album pour le 6 novembre, n'hésitez pas. Le hashtag c'est Niro sur Skyrock et on revient après ça. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap, le son de DJ Snake à l'instant. Le morceau s'appelle Middle et Niro, de retour avec nous. D'accord frérot, juste, excuse-moi, je te coupe pour 30 secondes. Vas-y. Déjà, on voudrait passer toutes nos condoléances à la famille de DJ Sia Stai. Sia Stai, ouais. Voilà. Voilà, grande pensée à toute sa famille. Voilà, et paix à la famille des deux petits qui sont morts aux Olivets. Voilà aussi à Marseille. Voilà, c'est malheureux, mais... Mm-hmm. Et voilà. Puis à leur famille, donc voilà frérot. Voilà, grosse pensée à Sia, grosse pensée à toi et tous ses proches. Psychiatre, à tous les proches. À tous les proches, la famille. À tous les gens qui connaissaient ce grand sourire de Sia Stai à chaque fois qu'on le voyait. C'est ça, ouais. C'est ça qu'il faut garder en tête, ouais, moi aussi. C'est son grand sourire, c'est... Non, c'était humainement, c'était gentil, une bombe. Je l'ai rencontré, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une prison, on a fait un concert avec les psychiatres, tout ça, Medine, Kerry James, bah t'étais là. On l'avait fait, c'était à Luynes. Ouais, voilà. Là, c'était la première fois où tu rencontrais Sia. Ouais, c'était la première fois, ouais. Véritablement, ouais, c'était la première fois. Voilà, moi je le connaissais depuis avant, on avait fait plusieurs choses ensemble, tout ça. Mais bon. Parti voilà, trop vite. Mais c'est vrai que gardons ce sourire en tête, quoi, de Sia. Ouais, ce gars toujours dans un coin, tranquille, posé, et quand t'as allé vers lui, bam. Exactement, toujours la banane. Ouais. T'as vu, on perd souvent des gens, donc tous nos disparus, tous nos enfermés, voilà, comme on dit toujours. Voilà. Niro avec nous entre 20 et 21. Dans un instant on passera un titre inédit. Voilà. Un morceau qui s'appelle Olema. Olema. Produit par Suleiman Beat. Voilà. Ouais, les beatmakers, ils ont fait un grand travail sur mon album, force à eux. Voilà. Parce qu'ils ont fait c'est du grand art. Niro, on écoutera ce morceau dans quelques minutes. Juste avant je te présente Roms. Roms. Roms par téléphone qui vient rapper ça, Roms. Ça va ou quoi? Salut Niro, Teddy. Calme ou quoi, Roms, tranquille. Aïe. Roms, à l'origine, il vient du 974 de La Réunion. Tiens, je pensais ça parce qu'il est là. Comment elle est là? Elle est là, les gars, elle est là, tranquille. La malle est là. C'est qu'hier, on est là. Mistin, il va t'envoyer des messages là. Hier, on avait un gars de La Réunion qui était là, qui est passé voir Niro, justement, qui t'a posé. Ouais, Timat, ouais. Peu à tous les frères de La Réunion d'ailleurs. Timat, on connaît. Youssou, Timat, à tous les frères là-bas. Voilà. Ah, force, là, force, force, au frère à Dakar, on a fait un clip. Ah, Road Boy DJ, la famille Marseille. Bon, Rome, c'est ce que tu es prêt, on y va? On est prêt. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone et a cappella, il me semble, pour toi. Hein. Ouais, c'est ça. On y va, go. Yeah. J'enfile la chemise et la cravate pour rejoindre un monde parallèle. C'est la surprise, je me prends des claques, tombe de haut, y'a trop de paramètres. Un univers dominé par des couteaux dans le dos. Coûte que coûte, les gens causent, j'implose et puis je pose quelques verres au couplet. Quelqu'un peut-il m'arrêter? Interminable débat sur la liberté de s'exprimer. J'engloutis des litres d'encre sans faire attention à ma ligne. Sous la couette, je me planque chaque soir de peur que la mort me fasse un signe. Je veux que ma peine soit marginale, mon rêve soit primordial. Mon rap est viscéral, je suis bloqué dans une spirale. Je veux pouvoir donner de l'amour, de la joie, de la vie, car respire. Je veux que les communautés se mélangent. Je vois la force qu'on inspire. Je puise de la sephore. J'essaie de faire des efforts. J'implante le décor pour que tu comprennes le saut mort. Butant sur mes textes, la pointe d'encre m'attend en tournant. Le temps s'arrête brusquement, justement. Stop le battement. Tu peux pas savoir comment c'est le bordel dans ma tête. Yeah. Un REMS, rappeur artiste, poète. Ouais, force à toi, mon vieux. Merci à toi, Roms. Aïe, merci beaucoup. On a bégayé un pas à la fin, tu vois. Ouais, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Force à toi, continue à taffer, frérot. Merci. Roms, rappelle-nous où on te retrouve sur les réseaux sociaux. Vas-y. Voilà, les réseaux sociaux sur Facebook, Roms Romain, sur Twitter, 974 REMS. Grosse dédicace à tous ceux qui m'écoutent depuis le début, toujours. Grosse dédicace à mon pote Samir qui m'écoute là. Grosse dédicace à ma copine Estelle. Et voilà, grosse dédicace à mon gars Hakim aussi qui m'écoute. Voilà, grosse dédicace à Niro. L'album il arrive aussi lourd. Oh, le clip à La Réunion. Big up. Voilà. Big up, frérot. Et voilà, grosse dédicace à tout le monde, les gars. Voilà. Dédicace à vous, force au 974. Merci. À bientôt, Roms. A bientôt, Fred. Ciao. Passe une bonne soirée. Niro, ça sort le 6 novembre. Et d'ailleurs, on a le 6 novembre, ouais. Si je me souviens. Et d'ailleurs, on a quelques dates là, vite fait. Ah oui, on avait dit qu'on annonçait les dates, ouais. Voilà, là j'ai deux dates confirmées. Alors, on sera en showcase au Club 36. C'est à La Roche-sur-Yon, le 7 novembre, donc le lendemain de la juste sortie. Juste après la sortie. Voilà, donc ça va être le feu. On sera le 21 novembre à la salle Le Tetris, c'est au Havre. Et le soir, on sera au Club W. Voilà, au Havre. Toujours au Havre. Toujours au Havre le 21 novembre. Voilà. Et il y a d'autres dates. Et le 27, on sera à Genève au MAD. Voilà, il y a d'autres dates qui se préparent là, un peu dans toute la France. Voilà, on annoncera demain. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à contact bookingniro@gmail.com pour ce. Et le 14, on sera à Lyon. 14 novembre. Au Night Club. Très bien, à Lyon pour retrouver Niro près de chez vous. Voilà, et puis plus près de chez vous. Et sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les dates aussi, parce qu'il y en aura plein d'autres qui vont s'ajouter forcément. On avait promis le titre inédit, Olema. Aïe, Olema là. Olema, si je me souviens, le 6 novembre dans les bacs. Paix à tous ceux qui achètent et qui précommandent, force à vous. Allez, c'est parti, Niro. Pousser, c'est la violence. Les gens et sa voiture dans des flots qu'ils contrôlent même pas, il va en concert et s'étouffe. Ouais, 6 novembre. One shot. Comme ça, y'a pas de détails. T'arrives, tu tires. Et tu sais où tu vas. Ouais. Une spéciale à tous les quartiers de France. Le 6 novembre, si je me souviens, à Niero, Street Lou. Ouais, mon ami. Le 6 novembre. Si je me souviens, moi je suis pas là pour être aimé ni être adulé par des traînées. Je suis la rue, celle que vous craignez. De son parfum, je suis imprégné. Je vais rester dans l'anonymat comme Batman et l'homme araignée. Je m'étonne pas de voir mon sang couler. Une lettre s'épargner et saigner. Des langues de pute, je me suis éloigné. Y'a personne qui va m'épargner. De là où je suis sur la vie de ma mère. Y'a qu'une issue pour moi, c'est gagner. Miroir, dis-moi qui sont mes ennemis. Dis-moi qui sont mes alliés. J'ai confiance en personne, au jugement dernier. Même mes organes vont témoigner. Max, bientôt je vais mettre les poids. Je te laisse traverser à la nage. Plage, hôtel 5 étoiles. Vodka pour mon ananas. Donnez l'oseille, gardez la gloire. Le show business, les poules hystériques. Sachez le bien, j'en ai tellement les couilles qu'on dirait bien que je vais devenir stérile. Mais qu'est-ce que tu crois, sale fils de pute. Avec le peu de promo qu'on m'accorde, tu croyais que j'allais faire disque d'or. Avec des morceaux hardcore, tu m'as connu pépère. Tu m'as connu déter. Tu m'as vu ses pères. Tu m'as vu ses pères. Tu m'as cru chez père. Tu m'as cru chez père. Ouais. Oh les malins. Oh les malins. 3 millions de la famille nombreuse. Ils font les malins. Si nous vont. Oh les malins. Oh les malins. Gardez dans tes poches. Si t'es plein de cinéma. 4h du matin, tu bois et je parle à mon zgeg. Derrière nous, ça complote, on n'est pas des modèles. Tu verras pas ma gueule dans leur soirée mondaine. Niro, c'est pas ton pote, s'en bat les couilles de ton gueule. Je remets pour les terminer, plus déterminer. C'est la zerminer dans la guerre, fini de faire briller tous ces faux frères. Je veux mettre au beurre, coffrer des E pour être au vert. Bien conscient que Zibar, elle est au vert, poteau. On a déjà tous bu la tasse dans le ghetto. J'aurais pas fait du rap, j'aurais fait ma place dans le bédo. J'ai compris qu'avec des putains de rap, boss, pas de mytho. Un million d'euros, tu m'en verras un pote, c'est tout. Intimide les femmes et les folles. Appel anonyme sur mon téléphone. Ta pétasse a volé mon numéro. Je l'ai jeté en l'air. Même si elle était bonne, grave sur la terrasse d'une soirée paro. Rabat sa rage, j'allume une galop. Je regarde en l'air, les yeux restent ouverts. 24 carats sur les carreaux. Ils sont pleins de fellations, ils sont pleins d'élations. Pour les soigner, j'ai pas la solution. J'attire le monde comme une interpellation. Je suis pas une révélation, je suis une révolution. Oh, oh, oh, oh, les malins. Oh, les malins. Oh, les malins. 3 millions, c'est la famille nombreuse. Il faut les malins, ouais, ouais. Le 6 novembre, si je me souviens. Gardez dans tes poches, c'était plein de cinéma là. Sous les mains de vie, street loop. Gardez dans tes poches, c'était plein de cinéma là. Putain de ta mère, on arrive. Ouais, ouais, ouais. Le 6 novembre, on arrive. N.I.R.O. Street putain de l'ours, ça bouge pas d'un la poil. La putain de ta mère, on arrive. Coco, Moscow. Mr. Flow. Chinois, Shintawaz. N.I.R.O. Aïe. Ah. Ouais, ouais. Soussou. Spécial à tous les quartiers de France. À tous nos enfermés. À Quin. À tous nos disparus. Johnny Z. Jackie. Oh les mains là. Oh. Le morceau qui s'appelle Oh les mains à l'instant. Voilà, pas mal de messages hein, sur ce morceau. Le son lourd de l'album. La précommande est faite vivement le 6. Ça commence à faire un petit Camélia qui envoie ça comme message. Énervé l'album, les gens ils sont absolument pas prêts du tout. Niro au-dessus, le meilleur de sa génération. Toujours Camélia qui envoie ce message. Niro lourd, ça c'est un autre message qui est envoyé. Je suis pas une révélation, je suis une révolution. Voilà. Oh les mains, il est lourd. Plein de messages qui tombent à l'instant avec le hashtag Niro sur Skyrock. Un bloc de messages carrément. Force à tous ceux qui envoient des messages. Moi aussi je vous aime. Ti amo. Ti amo. Ah, je savais pas que t'avais des racines si je me souviens, comme ça. T'inquiète pas, j'ai des trucs. Et, j'ai tout dans le sang. Ça bouge. Ah, t'as pas. Des trucs qui arrivent d'un seul coup. Attention, en fait. Attention, parce que je vais t'envoyer du vietnamien là sur le côté, tu vas voir. Bon, bah, je vais me mettre de l'autre côté, tu m'en veux pas. Père, mon pote Viet Cong, la chaîne de guerre, rappelle-moi ça, le bâtard va. Je me décale un petit peu. Niro avec nous entre 20 et 21. Niro, est-ce que tu es prêt pour le live maintenant? Ouais, ok. Bah, on va attaquer. Très bien. Pablo. Pendant que le téléphone n'arrête pas de sonner tout à l'heure, on prendra un autre appel, Niro, après okay, le live. Ok, très bien, ouais. Parce que là, c'est trop. Il y a combien d'appels, je vais te dire? Je sais pas, des centaines. 06 71 74 84 15. Laissez juste faire Niro son live et après vous bombardez d'appels. On prendra quelqu'un par téléphone sur sa ligne directe, sur son portable directement. 06 71 74 84 15. Gramoun. Yeah, Gramoun est là. Gramoun est là, la sécu. Joser est là aussi. Méchant comme jamais. On y va, messieurs, quand vous voulez. N.I.R.O. Street Lourd, l'album. L'album est dans les bras. Si je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Attention. Attention. Pablo. Ouais, ouais, ouais. Pablo. Le 6 novembre. Si je me souviens. Écoute, ils disent que l'argent c'est que dalle. Que pour être heureux faut crever la dalle. Ok, je vous laisse en chien, moi je serai malheureux avec des millions d'euros à ma table. J'ai perdu mon temps dans les halls. Aimer la rue dans les bas, dans les hauts. Je redonnerai jamais de la force à ces salopes. Je préfère tomber une balle dans l'épaule. Bande de guerre, arrêtez les guerres. Faites de l'oseille, c'est tout ce que j'ai à dire. Si le sang coule, y'aura que chétane pour vous applaudir. Tout le reste va vous maudire. Fais pas crédit, poto, je t'ai dit. Futur millionnaire, Soso, Mista, Moscou, Teddy, canalise mes nerfs. Tu veux des appuis, tu veux délever la vérité. Faut te faire seul, tu veux être lui, tu veux être l'autre. Finalité, tu seras personne, choisi par défaut, chassé par défaut. Je connais personne qui a aucun défaut. Faut battre le frère quand il est chaud. Combattre le frère quand il est faux. Détailler, batailler pour grailler, amener la caille à la baraque. Détailler pour grailler, amener la caille à la baraque. Je t'ai dit, ben ouais, Robe joue pas les Pablo. Y'a des vrais rats, joue pas les Pablo. Y'a des vrais rats qu'ont les yeux sur ton bénef. Ouais, ouais. Ben ouais, Robe joue pas les Pablo. Tombé comme tout le monde si la bastos te pénètre. Ben ouais, Robe joue pas les Pablo. Y'a des vrais rats qu'ont les yeux sur ton bénef. Ben ouais, Robe joue pas les Pablo. Tu vas tomber comme tout le monde si la bastos te pénètre. Yeah. Le ghetto survivra même sans les allocs. Wesh à mon sauce, sors de ce coin. Viens me chercher, je suis un pote, j'ai niqué la loque. Je leur ai fait de l'ombre et c'était pas volontaire. Dis-moi comment je vais leur faire à long terme. La tête dans les affaires, le cœur sur la main. Les pieds dans la merde, ma bite dans leur mer. Ils font du bruit pour rien, ils sont tous à fond. Gros, il en faudra plus pour m'accabler ou pour me soulever, pousser la fond. Le rebeu est plus lourd qu'un macabre. Moi ce que je veux c'est dormir sur un tas de blé. A chaque album, je me dois de le rappeler. J'ai frappé fort la putain de sa mère. Je leur ai presque rien appris à rapper. Depuis le départ, que de la frappe. Je suis l'assassin, le médecin légiste. Ils croient tous avoir inventé la frappe. J'avais déjà leur flow dans paraplégique. Kilo de bœuf, kilo de cheat, kilo de cc. Kilo d'héros, bien compressé. Zgeg dressé, dans leur fessier. Je ramasse les billets, ramasse les blessés. R.I.R. Le 6 novembre dans les bacs. Ouais, ouais. Le 6 novembre dans les bacs. Je t'ai dit. Le 6 novembre dans les bacs. Ouais, ouais. Le 6 novembre. Bah ouais, on veut jouer pas les Pablo. Y'a des vrais rats qui ont les yeux sur ton bénéf. Ouais ouais. Ben ouais, on veut joue pas les Pablo. Tu vas tomber comme tout le monde si la basse cause te pénètre. Oh putain de Lorraine hier, oh le 6 novembre, les boîtiers me souviennent. 8 jours, N-I-R-O. Mais c'est là dans la salle, ça bouge pas, HPLAN BBS. DJ Moscow Street Lourd, Teddy Corona, Mista Flo, Shintawaz est là aussi, force à lui. Force à tout le 9-4, au 9-3, 9-5, le 9-2, le 9-1, 7-5, 7-7, 7-8, Marseille, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Mulhouse, Belle, Orléans, tous ceux que j'oublie, force à vous à tous les quartiers de France. Tous les mecs au placard, Torpille, force à toi, enfoiré de foireux. Niro à l'instant en live, le morceau Pablo sur Skyrock entre 20 et 21. Le c'était rap. Pas exclusivement le morceau Pablo, il oui. Y avait un morceau de, y avait un peu de Pablo. On a fait un petit remix. Un petit mix, un petit remix. Un petit mix max. Un petit mix max. Force à tous ceux qui envoient des messages. Niro et avec nous, entre 20 et 21 toute la semaine. L'album s'appelle Si je me souviens, il sortira le 6 novembre. Il est déjà en précommande cet album. Avant de d'ailleurs, paix à tous ceux qui le précommandent, hein, parce que je reçois plein de photos, etc. Continuez, lâchez rien. Sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, envoyez vos photos, ça fait grave plaisir. Force à nous. Inch'Allah qu'on arrache tout pour cet album qui sort le 6 novembre. Niro, avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette au 41-759 pour s'inscrire, est-ce qu'on remet un petit morceau? Je sais pas, sortez couvert. Est-ce qu'on remet un petit Le ciel est ma limite On met quoi? Là, on a mis bien les gens quand même ce soir, je sais pas trop. Hein. T'en dis quoi, Teddy Corona? Moi, je dis qu'on peut encore. Parle pas trop. J'ai dit qu'on peut encore les mettre mieux. Ouais, mettons, sortez couvert, la famille. Teddy, il est sur le texte, c'est lui qui décide. On met quoi? Sortez couvert. Sortez couvert. Voilà, faut sortir couvert, ça c'est un bon message. Sortons couvert. Sortez couvert. Condom. Voilà. Condom, condom. Ça sera. Condom. Ça sera. Ça sera ça ce soir. C'est le thème de la soirée. Allez, on balance ce morceau, c'est extrait du projet qui sort le 6 novembre. Niro. Ouais, ouais. Pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Choses qui vont causer ma peur. Sorti du vent de ma main, no more drama. J'savais que j'allais enterrer toutes ces leurs peines. Ma caisse va plier au prochain virage. Mon blaze reçoit à la prochaine enquête. Viens pas me raconter la vie des rappeurs. Et moi, Ian, ces clochards font mal à la tête. J'suis de ceux qui piquent, de ceux qui achètent. Poto, y'a du C4 sur la maquette. Le sang de nos ennemis est sur la machette. Niro est empoigné sur la plaquette. Ouais. Le rap est mort quand il s'est fait fumer. Gros, moi j'étais pas là. Depuis tu peux v'là les violences urbaines, les vols à l'étalon. Mais gaffe, juste parler à ton gros cul si ta tête est malade. Tu veux pas m'alicher, vous niquer leur cache à Francfort au palace, au Dallas. Les schlecks sont halas, si nous vendrons les calas sous le famas. Si je me souviens, couille à maman, c'est pas ta mère qui paiera mon palace. Les rails du 974 pour la vue. Trop long, c'est pour ça qu'il m'appelle. Trop long, c'est pour ça qu'il m'appelle. Je faisais pas à la paix, rien avant d'avoir à la paix. Rien avant, j'attends ma paix. Je vais pas avoir mal à ma main, ça va. Je vais parler des causes qui vont causer ma paix. Parti du vent de ma main, non, moi, je m'en bats. J'allais enterrer tous ces larpettes. Sortez couvert. Sortez couvert. L.I.R.O. Street Lourd. Sortez couvert. Voilà, c'est fait violer, pour moi j'étais... c'est nouveau. On parle à ton cul si t'as fait de malheur. Parce qu'ils sont prêts à faire pour de l'argent. Ouais, ouais. Des salopes pour le regard des gens. Roulez les bols, sortez couverts. Juste au cas où faut protéger vos gens. Pour moi, ça roule, ils veulent crever mes pneus. Ils voient rien faire d'autre que rayer mes jambes. J'ai deux, trois frères qui m'en veulent un peu. De pas les laisser affaler tes jambes. Je traînais la nuit, j'avais même pas 10 ans. Ah, tu te rappelles, gros salope. Je préfère avoir un poteau bête et méchant qu'un poteau trop tigeant, trop intelligent. C'est normal qu'ils soient pas contents. Laissez-les parler mal, ils sont dépassés par le temps. Personne n'est innocent, on soigne le mal par le mal. Réponds, on s'en parle le sang. Ouais. Quoi qu'il arrive, si on passe, tu t'en rappelleras. Mère, viens à mes concerts pour vendre un salaire. Ouais. Je comprendrai des paroles de ce qu'on leur amènera. Ouais, ouais. 2-0 15 hier, on va baiser la. Ouais, ouais. C'est pas ta mère qui perd à mon palo. Ouais, ouais. Quand rap s'est fait fumer, quand je dis voilà. Le 6 novembre dans les banques. 6 novembre. Si je me souviens. Ben alors. Trop long, c'est pour ça qu'il m'appelle. Roulez. Trop long, c'est pour ça qu'il m'appelle. Je faisais plaire à la bête, elle a moins d'avoir à la bête. Quand elle a moins, j'attends ma paix. Je vais clair au bas, malin, papa, au sama. Je vais parler des causes qui m'ont causé ma paix. Sorti du bas de ma bas de mon drama. J'avais que j'allais enterrer toutes ces larmes. Roulez. Sortez couverts. Sortez couverts. Quand la rap s'est fait violer, gros, j'ai moi, j'étais pas là. On parle à ton cul si ta tête est malade. Ouais. Niro à l'instant. Hey, j'ai des vieux backers derrière là. J'ai envie de dire une sacrée équipe. Ah, des backers, des backers. Une sacrée équipe avec toi, Niro. Tiens, avant de se quitter, prends un petit dernier coup de fil. Ouais, 06, ok. 71, 74, 84, 15. Voilà, bon, la ligne directe de Niro pour le joint. Est-ce que c'est encore quelqu'un de la prison de Fleury-Mérogis ou c'est quelqu'un de normal? C'est moi, comme. Mais mets-le au parleur, Niro. J'entends rien déjà, allô. Ça parle pas. 06 71 74 94 15. Il y a des problèmes, ce qu'appelle et qui parle pas. Voilà. Lui aussi, il est trop bénave. Allô. Mais peut-être qu'ils hallucinent de t'avoir, mais t'as pas mis le haut-parleur encore. Lui carrément, il appelle pour raccrocher. Allô. Salam alaikum. Mais on n'entend rien, Niro. Mais mets le haut-parleur qu'on puisse profiter. Allô. On n'entend pas. Attends, parce que genre, tu vas rien entendre là, tête de merde. Allô. Allô. Bon, faut changer les portables, Skyrock. Bon, on change tout ça pour demain, alors. Tiens, vas-y. C'est bon. Vas-y, voilà. Laisse-moi faire. Franchement, je crois vous que... Vous me passez des iPhone 4 qui fonctionnent même pas, laisse-moi, mon frère. Laisse-moi faire. Des iPhone 4 de... Tiens, allô, allô, c'est qui? Allô. Voilà, c'est qui? Allô, Niro. Tiens, Niro, je te le passe. Parce ouais, que... la famille. Ça va, comme ça va et toi, mon pote? Allô. Allô. Ouais, la famille, ça va ou quoi? Ça c'est fou mal. Quand je te le passe à toi, il y a un problème quoi, en fait. Voilà, force à toi, mon vieux, force à vous. Voilà. On appelle d'Orléans. Ah, bah, Orléans, où Orléans? Force à tous les chais d'Orléans. Je suis à Main-sur-Loire. Ah, ok, Main-sur-Loire, ok. Force à Main-sur-Loire, Pithiviers, tous les quartiers du 45. À la Sortie Académie de Blois. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il vient d'ouvrir. Attends, mon pote, continue comme ça. Inch'Allah, mon frère, pourvu que ça dure. Merci, merci frérot, force à vous, Inch'Allah, force à tout le 45, voilà. Ouais, t'inquiète pas, on est là, y'a pas de problème. Ça bouge pas d'un poil. Salam alaikum, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, bah, tu vois que ça marche. Voilà, fait juste. Il y a un fluide particulier. Juste avant de faire tourner la roulette sur Skyrock, je voulais avoir une pensée, puisqu'il y a 10 ans, nous quittait Zied et Bouna. C'était le 27 octobre 2015. Et puis ça allait entraîner différentes émeutes. Toi, tu te souviens, il y a 10 ans, justement, Bien sûr, à Blois. Franchement, je te dis la vérité, j'étais à Blois, j'ai fait de la garde à vue à cause de ces histoires-là. Parce que nous aussi, ça nous a révoltés à cette époque-là. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais Péazia, Bounaïziad, voilà, ça fait... Et j'espère que, Inch'Allah, un jour, justice sera rendue telle qu'il soit. Voilà, c'était le 27 octobre 2005, et il ne faut jamais oublier. Exactement. 10 ans après. Il ne faut jamais oublier, force à leur famille qui surmonte les épreuves. On sait que c'est difficile de perdre des gens, donc force à leur famille, Inch'Allah. pourvu que Dieu vous apaise, Inch'Allah. Voilà. Niro sera de retour demain, mais juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Magali de Perpignan, salut Magali. Salut Fred, salut Niro. Salut Magali, comment va? Ça va très bien, écoute, très bien. Oh, très très bien, ça fait plaisir ce petit accent de Perpignan. Salut. Magali, tu connais Niro, je te le présente, il est là, il t'écoute. Ouais, je connais Niro, big up frérot. Big up, Serette, force à toi, ça va ou quoi? Fort. Ça va très bien, écoute. Alhamdoulilah, petit accent, tu viens d'où? Perpignan. Perpignan, ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça va, tu m'emboucanes. Ça va. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ah ouais, je suis prête là. Allez, dès que tu veux Magali, tu dis stop. Ah ouais, énervé. Allez, énervé. Mais... Ah, tu voulais gagner toi, ça. Magali, il y a des places de concert pour aller voir Nekfeu du côté de chez toi. Merci. La tournée Nekfeu, elle est pour toi. Il y a deux places avec qui t'attendent. 500 balles aussi. Offert par Strict Lourd, parfait. Sur les royalties de Niro. Bah, ouais, pourquoi pas. On te fait un bisou, Magali. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, ouais, on t'écoute. Dédicace. La dédicace à toute l'équipe, Kani, Cédric, Abby, Amel, Fatia. Et tout ce qui nous reconnaît pas, et voilà. Ouais, ça, t'as une grosse équipe. Hein. Bisous à toi, Magali. Allez, bye bye. Bisous, merci Niro pour cette soirée. Merci à l'équipe de Street Lo, Zidi Corona, Mosco, Mr. Flo qui était là aussi. L'album est dans les bacs le 6 novembre. Et on peut précommander dès maintenant, on peut y aller. Précommander, envoyez vos photos, ça fait plaisir. Force à tous ceux qui m'envoient des messages. Voilà, vous me donnez la pêche tous les jours. Force à vous, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain, un petit peu avant 20h, pour la suite de ce Planète Rap. Si je me souviens, l'album de Niro, le 6 novembre dans les bacs. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Fred. À demain, il est grand temps de retrouver D-Fool maintenant. C'est parti. Et ouais, Fredo, on est là. C'est parti. Ouais, on est là. Et c'est parti jusqu'à minuit. Demain, le rendez-vous, on le loupe pas. C'est 20h-21h, juste avant la radio libre. Tu nous prépares le terrain, Fred, et ça, c'est bien. Et là, le terrain est prêt. Bah, nous, on arrive. On débarque sur Skyrock jusqu'à minuit. Radio libre dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Concert.